Chapitre 36e, une explosion. Le mauvais jour ne tarda pas. Le manufacturier pour lequel travaillait Jacob Cross mourut subitement, et les affaires furent immédiatement arrêtées. Les gants déjà faits furent achetés par une maison de Londres, les pots, les machines et tout le matériel vendu à l'enchère. La fabrique était presque aussi considérable que celle de M. Ashley, et beaucoup d'ouvriers, parmi lesquels André Brum et Timothée Cartier, se trouvèrent sans ouvrage. Ceci eut lieu peu de mois après le mariage de Marianne Cross. Madame Cross fut frappée de terreur. Quoiqu'elle eût payé quelques-unes de ses dettes, il en restait d'autres, et le fait même d'avoir eu à en payer en avait créé de nouvelles. Sa position était des plus pénibles. Elle, ainsi que ses deux filles, avaient travaillé pour le même manufacturier que Jacob, et se voyaient subitement réduites à l'inaction. Hanefer était enveloppée d'un voile de tristesse. Les articles de ménage les moins utilisés s'en allaient l'un après l'autre chez les prêteurs sur gage et n'étaient plus rachetés le samedi soir. Les ménagères qui n'avaient pas de dettes avaient bien de la peine à nouer les deux bouts, mais celles qui se trouvaient dans la situation de Madame Cross en avaient le cauchemar toute la nuit. Les maris restaient toute la journée assis devant leur porte, la pipe à la bouche. Ils avaient toujours de l'argent pour le tabac. Ils se tenaient là, dans un silence interrompu seulement par quelques querelles avec leurs femmes, qu'ils les auraient voulu partout ailleurs, ou bien se promenaient, eux et leurs pipes, le long de la route, se formant en groupe, se lamentant et maudissant le métier. Un lundi après-midi, il y avait dans la cuisine de Jacob Cross une petite réunion comprenant le dit Jacob, André Brum et Timothée Cartier. Ces deux derniers étaient moins à plaindre que Cross, car leur femme avait continué à travailler pour un autre fabricant. Mais ce fait ne semblait pas leur offrir grande consolation, car ils murmuraient et grondaient quand Joy Peters, que le lecteur n'aura pas oublié, entra en trébuchant. Peters avait réussi jusqu'alors, à la surprise générale, à ne pas entrer à l'hôpital, mais les fabricants n'aimaient pas l'employer, d'abord parce qu'il avait trop d'affection pour la bouteille, puis parce qu'avec son habit déchiré, son pantalon en guenilles, « qui veut nous donner un coin ?» demanda-t-il en guise de salutation, en entrant les yeux troubles, les jambes fléchissantes, les joues amaigries. « Est-ce que personne ne veut nous donner un coin ?» Les hommes ôtèrent leurs pipes de leur bouche. « Êtes-vous renvoyés à la fin, Joey ?»« Nous sommes renvoyés, et ma femme qui est couchée par terre. » Madame Cross, qui était au fond de sa cuisine, frottant la casserole où elle avait fait cuire les pommes de terre salées, l'unique plat du dîner, lança son mot. « Vous ne pouviez vous attendre à autre chose, Joey Peters, depuis le temps que vous restez à ne rien payer et à boire continuellement. On vous avait bien juré la semaine passée de vous renvoyer. » « Où sont la femme et les petits ?» demanda le doux Timothée. « Vous pouvez y aller voir, » répondit Peters. « Ils ne sont pas sans lieu d'ici. » Il indiquait la route du revers de la main. Les hommes et Madame Cross regardèrent. Au milieu de la route, couché dans la boue, car il avait plu, était la seule Suzanne Peters qui n'avait plus que la peau sur les os. Elle n'avait pas de bonnet, et ses cheveux emmêlés tombaient sur sa robe en guenilles. Plusieurs petits enfants se pressaient autour d'elle. « La vilaine créature !» marmotta Madame Cross. « Elle est aussi ivrognue que son mari. Ces pauvres petits auraient tout aussi bien fait de mourir. « Regardez !» commença Peters. « Et on appelle ça un pays libre. On appelle ça un modèle de pays, un refuge pour les malheureux. Pourquoi donc le gouvernement, qui a ouvert nos ports au commerce étranger, ne vient-il pas regarder ma femme qui se morfond par ici, renvoyée de chez nous et sans un coin pour s'y mettre ?» Si vous ne vous étiez pas fourré tant d'idées en tête, Joey Peters, et que vous eussiez travaillé, vous sauriez où aller maintenant, dit Madame Cross avec aigreur. Elle n'était pas méchante, mais la crainte perpétuelle sous laquelle elle vivait aigrissait son caractère. Tenez votre langue, répliqua Peters. Je n'aime pas me quereller avec les cotillons. Je ne vous dis que ça. Taisez-vous, Mère Cross. Madame Cross se le tint pour dit, et Peters reprit. Voilà ce qui arrive quand on laisse tout faire au gouvernement. Si nous avions fait cette grève, que je vous y ai tant répété, ça aurait été différent. Laisse-moi m'asseoir une minute, Cross. Cross lui avança poliment une chaise. La foule s'était réunie autour de Suzanne Peters. Madame Buffle, avec une humanité dont peu de personnes l'auraient jugée douée, lui avait envoyé un vieux châle de laine et une marmite de soupe. La cuillère de bois ne pouvait nourrir assez vite les petits affamés. Un jeune homme courut chez Cross. C'était Adam Robinson. Il ne demeurait pas à Hanefer, mais il s'y rendait souvent, quoique Charlotte le refusait. « Joey Peters est-il ici ? » demanda-t-il. « Joey, pourquoi n'allez-vous pas à l'hôpital leur dire dans quel état est votre femme? Elle ne peut pas rester là. » « Ça ne vous regarde pas, monsieur Robinson, » répondit Peters. Robinson se détourna d'un air de mépris. « Il faut que je retourne à mon ouvrage, » dit-il. « Mais est-ce qu'un de vous, qui faites les beaux messieurs, ne pourrait pas aller à l'hôpital faire savoir dans quel état se trouve cette femme ?»« Moi, je vais y aller, » dit Timothée. « Je n'ai rien à faire cet après-midi. » Timothée et Adam partirent ensemble, le premier passant tout doucement devant sa porte de peur que sa femme ne le reconnût et ne le retînt. Charlotte était debout à la sienne. Adam s'arrêta. Timothée continua. Il ne se sentait pas encore hors de danger. « Quelle vie que celle de cette pauvre femme !» s'écria Charlotte. « Oui, » répondit Adam. « Et tout cela parce que Peters ne sait pas travailler avec suite. » Charlotte leva gravement les yeux. « Dites plutôt par suite de son ivrognerie, Adam. » « Est-ce que vous me dites cela comme un avertissement, Charlotte ?»« Je crois que vous me voulez du bien. Mais vous vous y prenez à rebours pour me le témoigner. » Si vous voulez que je sois rangé, vous auriez dû venir m'aider. Adieu, je suis en retard. Le jeune Robinson nous appelait de beaux messieurs, cria Cross à son ami Brum, quand Peters fut reparti. Il ne se trompe pas tant. Comment est-ce que tout ça finira? Mais par l'hôpital, c'est sûr, répliqua Madame Cross, qui laissait rarement échapper l'occasion de placer une phrase. Nous irons à l'hôpital tout comme les Peters. Quand des gros hommes comme vous autres n'ont plus d'ouvrage, et qu'il faut pourtant que tout le monde mange et boive, l'hôpital ne peut pas être bien loin. « Pas pour moi !» s'écria André Brum. « Je travaillerai pour empêcher les miens d'y aller, dussé-je casser des pierres sur la route. Je sais bien une chose, c'est que si jamais je retrouve de l'ouvrage, je forcerai ma femme à être plus économe. »« Mais elle n'est pas d'un caractère à ça, » dit Madame Cross. « Comment faites-vous donc pour vivre par ces temps, André? Vous n'avez pas l'air d'en souffrir. » »« Nous nous arrangeons comme nous pouvons. » Mais j'ai bien de la peine. Ma femme travaille ferme maintenant. Moi, je fais le ménage et je garde les enfants. Elle a gagné près de 11 francs la semaine passée. Et comme je vois que nous pouvons en vivre avec ça, je me suis pensé que lorsque mes gages y seraient ajoutés, je pourrais mettre quelque chose de côté pour les mauvais jours, que je retrouve seulement de l'ouvrage. C'est étonnant les miracles que font les gages quand les gens ne gagnent pas, dit ironiquement Madame Cross, qui n'aimait pas le tour que prenait la conversation. « Quand vous aurez de l'ouvrage, André, votre femme n'économisera pas plus que nous autres. »« Je faisais le calcul du temps que nous pourrions encore rester dans notre ménage, » observa Jacob, habituellement silencieux. « Si personne ne gagne rien, nos meubles s'en iront les uns après les autres. Comment faire ? Il faut bien vivre sur quelques fonds. »« Je suis décidé à une chose, à ne plus avoir de dettes, » reprit Bram. « Ce printemps, j'ai découvert quel commerce ma femme faisait avec les Banks. Belle que je lui ai dit, j'aimerais mieux vendre tout ce que j'ai et m'en aller dans le pays que de vivre avec cette épée sur la tête. Et je suis allé chez les Banks et je leur y ai dit, si vous laissez ma femme faire des dettes chez vous, je vous avertis que je ne vous paierai pas et que je vous dénoncerai à la justice. Je pensais qu'il fallait leur faire peur, vous comprenez, Cross. Je leur ai payé leurs notes, semaine après semaine, et j'ai fini par en être quitte. Ces Banks font plus de mal à en effaire que qui que ce soit. Comment ? « Qu'est-ce qu'ils font donc ?» demanda Jacob, dans son heureuse ignorance. « Ce qu'ils font ?» s'écria Brum. « Mais vous ne savez pas ?» À ce moment critique, Madame Cross, très affairée derrière la chaise d'André Brum, réussit à passer son pied sous un des bâtons. Crac ! André, sa pipe, sa chaise et son tabac roulèrent ensemble. « Miséricorde !» s'écria Cross en le relevant. « Comment avez-vous fait ?» Avant que Brum pût répondre, M. Abbott, le propriétaire d'une grande partie des maisons de Hanefer, apparut. Il faisait sa tournée habituelle du lundi. Jacob ôta sa pipe et toucha son chapeau que les élégants de Hanefer portaient dans la maison. Les hommes et le propriétaire avaient rarement affaire ensemble. « Êtes-vous prête, Madame Cross ?»« Nous ne sommes pas prêts pour aujourd'hui, monsieur, » interrompit Jacob. « Soyez assez bon pour patienter un peu par ces temps difficiles. Dès que j'aurai retrouvé de l'ouvrage, je penserai à vous. » « Je vous ai accordé toute la patience possible, » répliqua durement M. Abbott. « Vous devez me payer ou partir, l'un des deux. »« Je vous paierai aussitôt que je le pourrai, monsieur. Vous pouvez y compter. »« Quant à mon aller, où pourrions-nous aller ? Vous n'oseriez pas me laisser emporter mes meubles, et nous ne pourrions pas coucher dans la rue comme la femme à Peters. » M. Abbott alla jusqu'à la porte. Quand il rentra, un homme le suivait. « Je vous prierai de loger cet homme chez vous, puisque vous ne voulez pas vous en aller. » Il veillera à ce que votre meuble ne bouge pas de place. » Jacob sentait sa colère s'enflammer. « C'est nous traiter bien durement, monsieur. Voilà des années que je vis chez vous et que je vous ai toujours payé régulièrement. »« Régulièrement ?» tonna le propriétaire. « Depuis que Banks est venu à Helston Lay, j'ai eu plus de peine avec votre femme qu'avec personne. » Cross ne comprenait pas. Il était trop absorbé pour demander une explication. « On ne vous doit que 3 semaines, monsieur. »« 3 semaines ?» interrompit M. Abbott. « Vous voulez dire 9 ? Il y en a 9 aujourd'hui. » Jacob était confondu. « Qu'est-ce qui a dit 9 semaines ? » balbutia-t-il. « C'est moi qui le dis, et votre femme aussi. Demandez-le-lui. » Mais Mme Cross, l'air égaré, la figure pâle, avait disparu. Le moment de l'explosion était arrivé. M. Abbott, sans autre parole, partit, laissant derrière lui le visiteur important. André Brum, qui était sorti par délicatesse, rentra, heureux au fond de l'âme que son loyer fut réglé. C'était chose difficile, mais André commença à sentir que les dettes affaiblissent l'esprit plus que la faim. « Camarade, dit-il tout bas, en serrant la main de Cross, tout ça, c'est les Banks qui en sont cause. Les familles achètent leurs friperies et elles payent toutes les semaines, de peur qu'ils ne viennent se plaindre à nous. Naturellement, le loyer est en retard. » « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ?» demanda Cross encore bouleversé. « Ce n'était pas mon affaire de m'occuper des femmes des autres, » répondit Brum. « Où est-ce qu'elle est allée ?» cria Jacob en regardant autour de lui. « Je veux savoir le fond de la chose, 9 semaines de loyer, et elle qui me jurait qu'il n'y en avait que 3. » Jacob pouvait bien dire. « Où est-ce qu'elle est allée ?» Madame Cross s'était glissée à la première porte connue qu'elle avait vue entr'ouverte. C'était celle de Madame Cartier. « Pour l'amour du ciel, Lisbeth Cartier, laissez-moi rester 1 minute, » s'écria-t-elle. « On a saisi nos meubles. » Madame Cartier frottait ses chandeliers de cuivre. Elle n'avait pas beaucoup d'ouvrage cette semaine, et elle utilisait son temps en nettoyant, lavant, récurrent du matin au soir. Elle se tourna et regarda Madame Cross, qui, la figure pâle et la respiration haletante, s'était laissée choir sur une chaise. « Qu'est-ce qu'il y a donc ?»« Abbott est venu dire à mon mari que je lui dois 9 semaines de loyer. » Il lui parlait des Banks, il vient de partir en nous laissant l'homme. Ça vous va bien. Pourquoi avez-vous toujours couru après ces Banks ? Répondit sympathiquement Madame Cartier. Vous ne pouviez pas vous attendre à autre chose ? Ce vieil animal d'Abbott. Madame Cross s'arrêta court. Elle ouvrit la porte de l'escalier et se glissa derrière. Qui venait-elle d'apercevoir sur le seuil, sinon Monsieur Abbott lui-même ? Il n'avait nul besoin de dire êtes-vous prête, Madame Cartier ? Madame Cartier était toujours prête. Le paiement effectué, il se retira, et Madame Cross sortit de sa cachette. « Vous pouvez le payer, vous ? » s'écria-t-elle avec envie. « Et Timothée, qui n'a pas d'ouvrage, comment vous y prenez-vous ? » « Je ne suis pas une folle, » répondit Madame Cartier. « Si je dépensais mes gages à mesure que je les touche, ou si je les laissais à Tim, où en serions-nous par ces temps ? J'ai mes idées à moi. » Madame Cartier ne se louait pas sans raison. Quelles que fussent les vertus sociales dont elle manquait, elle était riche en avarice et en prudence. Timothée serait resté une année entière sans ouvrage, qui n'aurait cependant manqué de rien. « J'ai peur de m'en aller, » dit Madame Cross. « J'aurais peur aussi, si j'étais dans vos draps. » La sympathie de Madame Cartier ne lui offrant aucune consolation, Madame Cross partit. Elle n'osait pas encore rentrer chez elle. Elle rôda dans Hanéfer pendant 1 heure ou 2. Pendant ce temps, la nouvelle que les Cross étaient l'objet d'une saisie s'était répandue. Marianne courut chez son père pour savoir la vérité, en partie par crainte, en partie par la sécurité que lui donnait la pensée qu'elle n'était plus Marianne Cross, mais Marianne Tyrrell. Elle céda aux questions de Jacob et fit une pleine et entière confiance d'être par-ci, d'être par-là, d'être partout. Cross était exaspéré. Quand à la fin sa femme rentra, il s'élança sur elle et la renversa. Le garnisaire voulut s'interposer. « Si vous voulez de mes affaires, » cria Cross, en levant le bras d'un air menaçant, « je vous en ferai autant. » Cross était d'habitude calme et paisible, mais ce jour-là, il n'était plus lui. « Vous allez nous conduire tous à l'hôpital, » criait-il à sa femme, « et cela vous viendra bien. C'est vous qui nous chassez d'ici. » Tous les deux étaient coupables. La querelle fut interrompue par une agitation à l'extérieur. Madame Cross, toute heureuse d'échapper à la colère de son mari, courut regarder. Un officier civil était venu apporter l'ordre de conduire immédiatement Suzanne Peters à l'hôpital. Timothée Cartier, dans son esprit de douceur et de compassion, avait si bien parlé de Madame Peters que tout le personnel de l'hôpital s'en était ému. Un officier civil avait été expédié avec mission de l'amener tout de suite. Le tumulte était causé par sa résistance. Elle était encore assise au milieu de la route. « Je ne veux pas aller à l'hôpital !» criait-elle. « Je ne veux pas me séparer de mes enfants et de mon mari. Si je dois mourir, je veux mourir ici. Levez-vous et marchez, et ne faites pas de scandale, » disait l'officier. « Ou bien je vais aller chercher une brouette et vous traîner. » Elle résistait et s'agitait comme une folle. Ses enfants alarmés s'attachaient à elle en criant, et tout en effet regardait. Joey Peters trottait et trébuchait. Un ami, plus sympathique que judicieux, l'avait engagé à noyer ses chagrins dans le vin. Il finit par tomber dans la boue à côté de sa digne moitié. « Voilà une jolie besogne !» cria l'officier tout perplexe. « Un fameux couple, ces deux. Comment est-ce que je vais m'en tirer? Elle peut marcher, elle, mais lui, l'animal, jamais. Ils dépensent leur argent à boire, et quand ils n'ont plus rien, c'est nous qui les gardons. Il faut que j'aille chercher une brouette. » Un sergent de police vint escorter la charrette. Les enfants y furent déposés l'un après l'autre. Le père y fut jeté comme un paquet. Puis vient le tour de la femme. Après s'être débattue et avoir poussé des cris que l'on entendait à une lieue à la ronde, elle finit par y être placée. Mais elle sauta dehors, jurant encore qu'un hôpital ne la garderait. L'officier tempêtait et en effet regardait. Il y avait longtemps qu'on y avait été témoin d'une pareille scène. La victoire resta enfin à la force armée et la charrette quitta lentement en effet. Madame Peters continuant ses cris et ses lamentations, tout en effet faisant cortège.